Ils disent, nous voulons que l'instruction se cristallise. Pour ceci, il vous faut un centre physique sur votre plan. Tant que nous n'aurons pas un centre physique sur le plan matériel, cette instruction ne sera pas cristallisée. Ça, c'est une des raisons occultes pour le centre, à part du fun. Tout ce qui vient des plans invisibles doit se terminer quelque part dans la matière. Pour être figé dans la matière, le centre va figer l'instruction. Des hommes de différents pays iront vers ce centre. Ce centre réunira les sommités mondiales scientifiques. Ce centre sera le centre de notre pouvoir sur le plan matériel. Probablement que mes livres éventuellement seront dans ce centre-là. Ce centre deviendra une bibliothèque à la fois audio, à la fois purement livresque. J'ai pas fini d'écrire. J'ai pas commencé à parler encore. Ce centre-là contiendra tout ça. Le centre sera géré par ceux-là qui seront dans leur intelligence, selon leurs aptitudes, et ainsi de suite. Ce centre sera anonyme. Privé. Il sera en pierre. Taillé. Les intérieurs seront de boiserie. Style 19e siècle. L'indiqueront en temps et lieu. Salle de jeu exquise. Pour vous relaxer. Salle de conférence. Salle de repos. Beaucoup d'autres choses. En 92, vous aurez un vaisseau pour vous rendre libre sur les mers. Formuler une corporation pour faire la projection d'images cinématographiques. Les corporations pour acheter et diviser terrain pour construction. Vous aurez vos propres maisons. N'essayez pas de comprendre. Tout est dans le temps. Ils sont pas pressés. C'est pour ça que il faut faire attention avec nos idées. Parce qu'on peut faire beaucoup d'overtime. C'est très puissant, la conscience créative. Il ne faut pas que nous, les hommes, nous soyons charriés par des idées qui sont parallèles à cette conscience-là. C'est pour ça que c'est long. Ça vient quand on n'est plus impliqué. Des idées sur la conférence de ce soir concernant les idées? J'ai pas d'idée. Pas une question. Non. Les événements sont toujours créés par le double humain. Les événements sont toujours créés par le double. C'est une question bien intéressante. Bien intéressant, cette question-là. Bien intéressant. Écoutez bien ça. Ça n'a pas été expliqué encore, le double. Qu'est-ce que c'est le double? Le double éthérique, on parle de l'éther. Ils disent que les événements sont créés par l'intelligence sur certains plans de l'homme en fonction de son double. Autrement dit, les événements sont toujours créés en fonction du double. Exemple. Admettons que un homme ait peur de la mort, par exemple. Puis il a tellement peur de la mort qu'il a peur que sa mère meure, par exemple. Alors, l'événement va être créé en fonction du double pour que la partie mentale et émotive de l'homme vive l'expérience dans une certaine qualité quelconque. Par exemple, la mère, elle peut mourir d'une thrombose quand elle est venue un soir manger à la maison, puis elle a eu un gros spaghetti, puis elle était énervée, puis là, elle est morte à la table, puis les spaghettis sortaient de la bouche, puis le gars... Vas-y. Comprenez-vous l'idée? L'événement est toujours créé en fonction du double pour la correction de l'attitude mentale et émotionnelle. Il y a toujours dans l'événement une leçon à apprendre. Tout le temps. L'événement corrige. Ajuste. C'est pour ça, lorsque l'homme est très conscient, lorsque le double et l'homme ne font qu'un, les événements dans la vie ne créent plus de choc. Donc, il n'y a plus d'expérience. Mais aussitôt qu'il y a choc, il y a expérience. Donc, il y a justement du commentaire, du formationnel. Une personne, par exemple, qui serait très naïve en affaires, hein? L'événement va servir. Il va y avoir un événement qui va servir à la rendre moins naïve. Ça passe toujours en fonction. C'est toujours en fonction du double. Je veux savoir qu'est-ce que c'est le double. Attends un peu. Ouais, mais c'est ça que je vais arriver, là. C'est intéressant, ça. Le double, c'est l'esprit de l'intelligence. Qui c'est qui m'a parlé de ça? Alimenté par l'ajusteur de pensée. C'est ça, le double. Et l'esprit de l'intelligence, l'esprit, autrement dit, c'est le réservoir de l'intelligence. Le double, c'est le réservoir de l'intelligence alimenté par l'ajusteur de pensée. C'est la force qui dépersonnalise. Exactement. C'est ce qu'on appelle se conscientiser. Puis quand on est bien conscient, là, cette force-là, elle fait un avec l'homme mentalement, émotivement, vitalement. C'est pour ça qu'éventuellement l'homme a des pouvoirs. Elle se transmet directement à l'homme physique, au lieu de rester simplement sur le plan éthérique. Elle passe à travers. L'homme l'utilise, ainsi de suite. Il y en a d'autres qui ont des bonnes questions? Non, ça, il n'y a rien qui peut être des esclaves. Pas une question, ça. Vous ne savez pas demander des questions, c'est pour ça que vous n'avez pas des bonnes réponses. Une question, c'est une question. Si vous me parlez, vous changez la vibration. Si vous me demandez une question, c'est une autre question, c'est une autre vibration. Vous m'en demandez une question? Est-ce qu'il y a dans certains cas des interférences qui viennent de l'astral, des portes de la forme de l'astral? Il y a toujours des interférences qui viennent de l'astral. Tout le temps. Aussitôt que l'homme a de l'émotivité qui affecte le mental, c'est ça qu'on appelle de l'astralité. L'astralité, c'est comme en électronique. En électronique, quand tu as deux ondes qui se superimposent, ils font interférence l'une avec l'autre, ils créent une amplification. L'amplification, c'est de l'astralité. Comment? Qu'est-ce qui différencie à ce moment-là deux situations où circule, c'est provoqué par le double pour changer quelque chose, puis l'autre, c'est une interférence astrale. La réaction. La façon dont tu peux t'ajuster au double. Quand c'est le double qui mène là, dans ta vie, là, tu le sais. C'est quand c'est le double qui mène, c'est comme si t'as une pression, là. T'as une pression. Le double, c'est une pression. Tant que t'as pas de pression, tu sens pas l'énergie du double. C'est pour ça que je vous expliquais à soir l'affaire des idées. Tant que vous fonctionnez au niveau des idées, vous pouvez pas sentir la pression du double, l'activité du double, l'intelligence à travers le double. Quand tu perds les idées, tu commences à sentir la présence du double, la pression du double. Là, il n'y a plus d'astralité. Vous autres, vous appelez ça « j'ai été poussé à ». Hein? Poussé, tu sais, on dit « on était poussé, c'était plus fort que moi ». C'est sa pression du double. Mais si vos corps ne sont pas ajustés, à ce moment-là, la pression du double peut aller contre vous. Parce que le double peut te pousser à faire quelque chose pour une raison d'expérience. Mais si tes corps ne sont pas ajustés, l'expérience va être négative au lieu d'être créative. Dans le fond, écoute bien ça, Croteau. Dans le fond, l'astral, ça n'existe pas. Vous me faites parler, vous autres. Écoutez bien ça. Tu sais, quand je dis que j'ai pas... c'est ça que je suis obligé de dire, j'ai pas commencé à parler. Je suis obligé de défaire. Dans le fond, l'astral n'existe pas. Sais-tu pourquoi est-ce qu'on est obligé de parler d'astral? Parce qu'on est obligé d'expliquer des mécanismes de l'homme à l'insu de son intelligence. Si l'homme est intelligent, si l'homme est inconscient, bon, moi je suis capable. Viens essayer de tiquer une minute. Viens une minute. Lui, il comprend. Lui, il comprend. Mais il faut que je parle avec lui pour qu'il comprenne. Si je parle avec lui, là, il peut comprendre des choses que tout seul, il ne peut pas comprendre. Mais ça démontre le mécanisme que je veux démontrer. Écoute bien ça. On va prendre ça. C'est quand ta bonne oreille, c'est la droite ou la gauche? Celle-là, ta bonne oreille? Écoute bien ça. Écoute bien ça. L'astral, ça existe-tu? C'est une illusion qui a été créée pour le besoin de l'évolution de l'homme. Tu vois? Il comprend tout. Écoute bien, moi, je vais demander des questions d'après moi, là, puis il va tout te donner répondre. Mais... OK. Fait que si l'astral n'existe pas, pourquoi est-ce qu'on en parle? Puis pourquoi est-ce qu'on le situe au niveau de la psychologie humaine? C'est que l'homme en fait partie dans ses corps. C'est la seule façon de lui permettre de se conscientiser par sa propre énergie à lui. Tu vois? Ça lui permet de se conscientiser par sa propre énergie à lui. Écoute bien ça. Si l'astral n'existe pas, puis qu'on en parle, le satanisme existe-tu? Le satanisme n'existe pas plus. C'est aussi une illusion comme l'astral, mais ça a été un besoin obligatoire. Mais le satanisme, c'est juste un nom, c'est juste une forme. Ça s'appelait un autre nom, on pourrait changer cette forme. Ça a été le besoin de ce nom-là pour créer... Dans le peu d'intelligence que l'homme avait pour descendre dans la matière, on lui a fait à croire que le satanisme existait parce que c'était la forme négative. On lui a fait à croire que Dieu existait parce que c'était la forme positive pour faire une polarité, pour lui permettre d'expérimenter sa propre conscience sur le plan terrestre. Qui lui a fait à croire? On lui a fait à croire? C'est le besoin de la création de la descente de la lumière dans la matière qui a programmé ce système-là pour l'évolution de l'homme, parce que ce n'est pas vrai, c'est une illusion. Comme ça, on, c'est la lumière. Quand on parle de « on », c'est pas la lumière, c'est les esprits qui ont été créés par la lumière. C'est une autre illusion. Je vais vous dire une chose, puis je prends l'occasion, là. Je vais vous dire une chose. Guy Croteau, c'est la seule personne que je connais qui est totalement indépendant d'intelligence. Quand je dis qu'il est indépendant d'intelligence, je veux dire qu'il est dans son intelligence, qui peut comprendre mon intelligence et avec laquelle il y a un rapport parfait. Autrement dit, si je deviens le questionneur, il devient le répondeur. S'il devient le questionneur, je deviens le répondeur. Donc, il y a une équation, il y a un équilibre parfait entre son intelligence puis mon intelligence, autrement dit, entre le phénomène d'énergisation du mental chez lui et le phénomène d'énergisation du mental chez nous. La seule différence entre nous deux, c'est que moi, je suis capable de fonctionner seul pour aller chez le matériel, tandis que lui, il est obligé de partir d'un certain point à l'intérieur d'une sorte de dimension que j'établis. C'est la seule différence. Et ça, c'est pas nécessairement une situation qui va durer longtemps. Et ça peut très bien qu'un jour, si Guy Croteau parte seul, je peux pas vous dire tout. Mais tout ce que je peux dire pour le moment, c'est qu'il y a des hommes, dont lui en est un, qui peuvent comprendre pas mon intelligence, mais mon esprit. Et qui peuvent comprendre la forme de tous les mots employés par l'intelligence pour le bénéfice de l'esprit. Donc, qui sont totalement indépendants de la matière astrale dans l'homme. Donc, qui peuvent servir de pont entre un initié comme moi-même et l'humanité. Parce que c'est vibratoire de l'intelligence. Puis il y a une vibration. Comme elle, elle demande une colle tout à l'heure. Elle demande une colle. Pas dans le sens qu'elle voulait demander une colle. Mais dans le sens que la question qu'elle demandait était plus difficile à répondre qu'une autre question parce que c'était une question qui était en fonction de certains absolus. Mais il est allé au-delà de la forme. C'est pour ça qu'il dit même les esprits qui sont des illusions. Alors, qu'est-ce que la réalité? Une partie de la réalité, c'est qu'on existe. Mais en fait, on existe sans forme. La vraie réalité, c'est qu'on n'a pas de forme. Parce que notre réalité dans la forme, c'est une illusion d'expérience qu'on a besoin de vivre pour prendre conscience qu'on existe. En état de molécules atomiques qu'on appelle nous autres, les hommes sur la Terre, et pas les mêmes hommes dans les têtes. Ça, c'est une partie de la réalité, parce que la vraie réalité est infinie. Alors, pourquoi je parle tellement, je dis qu'éventuellement, on aura besoin d'un centre? Parce qu'éventuellement, il y aura des gens dans ce centre-là, dans d'autres centres, qui deviendront des centres d'énergie pour la diffusion de ce qu'on appelle, nous autres, la connaissance, mais qui n'est en fait que la correction instantanée des idées qu'on a de la réalité. Parce que là, ça ne passera plus, là, les idées. Là. Parce que ces gens-là vibreront selon ce qu'ils doivent vibrer. C'est évident que si Croteau est là et quelqu'un lui demande une question, il va toujours répondre en fonction de la personne. Plus la personne est d'une sensibilité, mais plus il va changer son langage. pour que ce centre-là ou cette école-là ne soit jamais fossilisée, pour qu'elle soit toujours vivante, réelle, dynamique, autrement dit, évolutivement parlant, sans fin. Parce que il n'y a pas de fin à la découverte de l'homme, puis à la découverte du mystère. Mais il y en a une fin, puis je vais vous le dire. Puis c'est pour ça que ce centre-là doit éventuellement se physicaliser dans une forme matérielle pour le bénéfice matériel de l'homme. C'est qu'à un certain moment, il faut que l'homme ait du plaisir. C'est pour ça que ce sera si important qu'il y ait une conjugaison d'une activité créative au niveau de la pensée, mais aussi une activité créative au niveau du corps matériel. Puis ça, c'est important. Sans ça, on va devenir des éluberlus. C'est bien le fun de parler de ça, mais tu peux pas en parler tout le temps. Parce que ça devient pesant. Ça devient même fatigant. C'est le repos de l'esprit. Exactement. Exactement. Puis c'est ça que les gens doivent s'habituer à comprendre puis à réaliser. Quand les gens auront réalisé ça, compris ça, à ce moment-là, les gens comprendront l'importance d'un centre à l'intérieur de laquelle il y a beaucoup d'activité mentale, parce qu'on est ouvert à ce qu'on sait, mais aussi où il y aura beaucoup d'activité physique. Parce que ce qui est sur l'invisible, il se manifeste, mais ce qui est sur le matériel doit aussi s'exercer. Ça, c'est de l'équilibre. C'est ça que les écoles ésotériques n'ont jamais fait. Les écoles ésotériques ont toujours été ici. Fait que tu deviens des moineaux, éventuellement. T'sais. Mais faut que tu atterrisses une branche quelque part. Tu peux pas te promener toute ta vie avec une robe blanche, puis tes sandales, puis ton chapelet. Il y a un Christ de bout. Faut que tu ailles chez toi prendre un coke. Mais ça, c'est la spiritualité qui a bloqué l'homme de ça. Fait que c'est pour ça que je dis, c'est dans le fond, ce qu'on va faire, c'est un club privé. Puis je fais exprès pour employer le terme le club privé, parce que ça va être un club privé. Pas une église, avec des moineaux. Puis l'image de Bernard de Montréal, c'est mûr. Au lieu de pouvoir monter l'énergie de l'homme, de la spiritualité, c'est l'homme qui devrait descendre, aller chercher l'énergie en haut de la spiritualité, puis descendre dans la matérialité. Dans la matière. Pour la vie. C'est ça, pour la vie. Pas la subir, la vie, c'est bien différent. Je pense que je vais un jour vous laisser le meilleur. Mais, vous savez, Quand les hommes seront dans leur intelligence, les hommes seront plus intéressés à parler d'intelligence. C'est parce que les gens ne sont pas dans leur intelligence qu'ils sont intéressés à parler d'intelligence au lieu de jouer au golf. Moi, ma femme m'a déjà dit, si tu me parlerais tout le temps de ça, je t'aurais sacré là. T'as raison. Mais quand t'es dedans, quand t'es dans quelque chose, t'es dedans, c'est final. Là, tu vas à d'autres choses pour former un tout. C'est pour ça que ce centre-là, ça va être un grand événement dans notre vie. La relaxation de l'esprit. Veux-tu que je vous déjecte ça? Tu veux l'échec, là? On va une belle table d'échec. C'est notre peur de la strate qui fait sa force, en fait. C'est quoi? Oui, exactement. Dans la plupart, on maintient un peu l'illusion. Mmh. On s'en. Mais ça, ça vient de notre spiritualité. Sigui Croteau. Il y en a-tu qui ne connaissent pas, lui, qui l'ont jamais rencontré? Vous? Quand est-ce que tu vas donner des conférences, Sigui? Tous les hommes sont fusionnés. C'est encore des mots. Tout le monde est fusionné. Mais fusionné, c'est vibratoire, la fusion. Tu sais? Alors, tout est fusionné, puis tu as un certain taux vibratoire, puis un autre est fusionné, puis un certain taux vibratoire. C'est la différence du taux vibratoire qui fait que ta fusion est plus grande. Quand le taux vibratoire est bien, bien haut, comme dans mon cas, mais la fusion est quasiment totale. Elle prend en contrôle le mental, l'émotionnel, le vital et le physique. Puis s'il y a encore un petit peu plus haut, je disparaîtrais. C'est ça la fusion. Plus le taux vibratoire est haut, mais plus l'énergie contrôle moléculairement tous les corps. Tous les hommes sont dans un état plus ou moins avancé de fusion. La fusion, c'est la relation entre l'homme et l'ajusteur de pensée. Si tu n'as pas de fusion, tu n'as pas d'ajusteur de pensée. Fait qu'il y en a une fusion. Seulement, elle s'accélère énormément à la fin du cycle. De sorte que l'homme prend conscience d'une pensée objective, créative en lui, ainsi de suite. D'une intelligence créative en lui, ainsi de suite. Alors, plus la fusion est grande, plus ses corps sont capables d'absorber cette énergie-là, plus il y a de l'intelligence. Ça fait partie de l'évolution de l'homme. On explique. Fusion. Bon. Chacun sa vibration. Mais plus tu es fusionné, mais plus le rapport est parfait entre la lumière et tes corps. Ça va être différent. Tu deviens un vrai canal. Quand vous dites des choses, puis vous apercevez que ça ne vient pas de vous, c'est de la fusion. Quand vous réalisez qu'il y a une sorte d'intelligence en vous, c'est de la fusion. Seulement, ce n'est pas permanent. Sans ça, vous ne pourriez pas travailler. Tranquille? L'affaire, c'est que faut qu'on apprenne à prendre ça aisé. Une fois que tu connais la game, tu prends ça aisé, tu t'amuses, tu relaxes, tu as du fun, de temps en temps, tu parles de ça, de temps en temps, tu choques. Tu peux pas trop parler de ça, puis être là-dedans. Faut le vivre. Hein? Faut le vivre, l'intelligence. Faut la vivre, l'intelligence. Puis quand tu dis faut la vivre, l'intelligence, il faut l'exercer dans la matière, il faut construire, il faut faire des affaires, il faut s'en servir. Ben, c'est là, cette affaire-là, c'est une énergie. Au lieu de la pensée, puis de la pensée, puis de la pensée. C'est pour ça qu'éventuellement, il faut que ça soit descendu dans la matière. Vraiment, on parle de penser, et tout le temps, on va s'entretenir sur quoi va être étudié. Et il y a des gens qui n'en ont pas d'idée parce qu'ils ont le cerveau, ce qu'on appelle l'idée. Ils ont le cerveau, ce qu'on appelle l'idée. Ils ont le cerveau, ce qu'on appelle l'idée. Mais d'autres, ils ont le cerveau, ce qu'on appelle l'idée. Quand vous avez l'été gelé, c'est parce que votre corps mental est en train de s'ajuster, le corps émotionnel est en train de s'ajuster, c'est pour défaire les mécanismes subjectifs de l'ego. C'est pour ça que vous êtes gelé. Ça fait partie de l'expérience dans No Man's Land. Là, t'sais. Puis après ça, ben, ça se dégèle. Tu deviens un petit peu plus actif, plus créatif, ça commence à fonctionner, ça commence à couler, ça commence à marcher. Il y a une période que tu te sens que t'es gelé, ça marche plus comme avant. C'est parce que la personne qui a la tête, elle est bête. Elle n'a pas de problème. Ah, t'es bien quand t'as été gelé, mais tu fais pas grand-chose. Bon, ouais, tu peux fonctionner. Tu fonctionnes tout le temps. C'est, mais il y en a qui souffrent quand t'as été gelé. Ils sont pas à l'aise. Il y en a qui aiment ça, oui. Anyway. Mais ça fait partie du changement vibratoire des corps, la tête gelée. Puis un jour, mais ça se dégèle. Tu sais, le mot illusion, c'est une autre illusion. Les mots sont des formes. Dans le fond, une illusion, ça n'existe pas. Ça existe simple. Une illusion, c'est un mot pour définir une illusion. Comprends-tu? C'est un jeu de miroir. Quand tu connais ce qui se passe, tu comprends ce qui se passe, à ce moment-là, tu n'es plus affecté par l'incertitude de ton intelligence. Donc, tu n'es plus dans l'illusion. La façon que les hindous ont expliqué l'illusion, c'est totalement de la niaiserie. Quand les hindous disent que la matière, c'est de l'illusion, que le maya, c'est de l'illusion, quand tu te fasses sacré coup de pied, c'est pas une illusion. Tu sais, faut être dans l'illusion pour penser que ça en est une. Mais il y en a qui sont tellement gelés aux Indes qu'ils pensent que ça en est une. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas utiliser parfaitement l'énergie de l'intelligence pour exprimer la forme d'une façon qui convient à la réalité de l'esprit de l'homme. Voyons, l'illusion. Ça, c'est pousser la philosophie de l'illusion à outrance. Être dans l'illusion, c'est pas être dans ton intelligence. Si t'es pas dans ton intelligence, t'es dans de l'illusion. Mais si t'es dans ton intelligence, même quand t'es dans la matière, c'est plus une illusion. Si tu vis bien ton intelligence dans la matière, c'est plus une illusion. Mais si tu vis mal ton intelligence dans la matière, là, c'est une illusion ce que tu vis. Le phénomène d'illusion, c'est un phénomène de manque de coordination entre ton intelligence et ton expérience matérielle. Si ton expérience matérielle est parfaitement en accord avec ton intelligence, t'es pas dans l'illusion. Tu vis bien ton intelligence dans la matière. Tu changes de plan, mais t'as vu bien sur l'autre plan, ainsi de suite. Puis c'est important pour les gens de comprendre ça, parce qu'une fois... Une fois que les gens vont avoir compris ça, les gens vont pouvoir, à ce moment-là, vivre de leur intelligence dans la matière. C'est là que les gens vont pouvoir commencer à se créer des conditions de vie qui coïncident avec leur réalité, le bien-être, et ainsi de suite. Au lieu de tomber dans l'illusion que vivre dans la matière, c'est astral. Que de manger un steak, c'est pas bon. Boire du vin, c'est pas bon. Ou aller dans un club à gogo, c'est pas bon. Parce que c'est des illusions. Laisse donc tranquille. L'esprit philosophique encore. Tu peux pas avoir des gros sourcils. T'es bien dedans, là? Il est temps qu'on ait des tables de poule, nous autres. Je vais te faire un opening night là-dedans. Il n'y a personne qui va croire que c'est une école ésotérique, cette affaire-là. Je vous le garantis. Puis l'ouverture, ça va être un bal masqué pour nous. Fait que là, vous n'aurez pas d'excuses pour pas aimer ceux que vous regardez. Je vous laisse, bonsoir.